vibre encore à mes oreilles. Parfum ancien d'un soir en ruine. Tulipe d'adieu, rose sans épines, que je garde en coffre profond, déjà perdu. Tu allais, festive, aux pas enflammés. Et je tissais des os.